Non. Oui et non. Parce qu'à ce moment-là, quand je voulais partir, j'avais juste un enfant à ce moment-là. Mm-hmm. Puis, j'étais vraiment certaine. Pour moi, là, c'était clair que cet enfant-là méritait mieux que ce que j'avais à lui offrir. Mm-hmm. Pour moi, c'était évident que s'il suivait mes pas, un peu comme quand il fait tempête, là, puis qu'on suit un gros camion, puis tout nous revole dessus, je vais juste l'éclabousser de tous mes mauvais choix, mes mauvaises décisions. J'avais vraiment l'impression que je l'aimais suffisamment pour le libérer de moi. Mm. C'était vraiment profond, ce mal-être-là. Mm-hmm. Puis, quand j'ai fait la deuxième tentative, justement, puis que les gens essayaient de me dire que la vie, c'est un cadeau, j'ai dit, mais si la vie est un cadeau, là, pourquoi faudrait que je reste dans la boîte? Le plein potentiel d'un cadeau, c'est pas au moment où c'est bien pratique qu'il rentre en boîte quand c'est le temps de le mettre dans la tablette, mais moi, je pense que son plein potentiel, c'est quand tu le sors de la boîte puis qu'il prend son sens, que tu t'en sers pour ce dont il est supposé servir. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là... Mais à ce moment-là, tu savais pas, toi, que tu avais cette espèce de don-là de changer les choses. Je non. pensais même pas avoir du pouvoir sur ma propre vie à ce moment-là. C'est ça, exactement, oui. Jusqu'au jour où, justement, j'ai eu la chance, c'est drôlement dit, mais j'ai eu la chance de souffrir assez pour avoir la notion de non, mais ça peut pas être pire, puis ça ne peut qu'être mieux. Je suis rendue assez bas que ça peut pas aller plus bas. C'est là. Ça. Ouais, tu sais, c'est un ça. Peu comme un. En bon français, là, un spring. Un ressort. Exact, c'est ça. Tu sais, faut que tu le pèses dessus au plus bas, ping, après ça, c'est là que ça rebondit. Puis, mon passé de patineuse artistique. Oui, parce que tu as été patineuse artistique. Oui, puis ça a quand même eu son impact au sens où j'ai appris à me relever. J'ai tout le temps eu. Cette petite phrase-là, là, de « t'es fort, tu fonces », la mentalité d'un athlète, c'est ci, c'est ça. Fait que je me suis comme un peu construit là-dedans, puis veux pas, ça a semé cette graine-là de dire « non, je suis forte, je suis capable de passer à travers n'importe quoi ». Il y a quand même eu des succès, t'as quand même gagné le championnat. Oui, oui. Fait que tu sais, à travers ça, là, ça m'a vraiment forgé un certain caractère, puis ça m'a quand même montré une partie de moi qui était combative. Mais il y a eu aussi des moments comme cette chute en patinage artistique qui a fait que tu t'es retrouvée à l'hôpital pendant plusieurs mois. Puis j'ai paralysé là, tout le côté droit une journée et demie complète. Ça semble court, une journée et demie, mais à 14 ans... Quand tu le vis, là... Quand c'est ta mère qui te lave les cheveux, tu te dis, mon Dieu, mais est-ce que ma vie va être ça pour toujours? Puis... À ce moment-là, j'ai réalisé que quand on me dit que j'ai une tête de cochon, c'est pas juste un défaut. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai regardé ma mère, puis j'ai dit, moi, on était au mois d'octobre, et j'ai dit, moi, d'ici Noël, j'ai rebatiné. Puis il n'y avait aucun doute possible. Mais pour la science, pour les médecins... On savait même pas si je marcherais encore. Exactement, oui. Puis, moi, je suis convaincue que cette façon de voir les choses-là a pris un peu naissance là, au sens où... j'étais, écoute, démolie, mais je me suis pas laissée abattre. Et j'ai eu la chance de débuter d'autres choses pour me changer les idées. Ouais. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du chant. Ce que je pouvais pas faire avant parce que mes horaires, école, patin, etc., ne le permettaient pas. Puis de développer une nouvelle passion m'a permis d'émaner beaucoup de gratitude. J'étais contente de découvrir des choses. Cette petite vibration-là là, que ça venait créer en dedans de moi, encore aujourd'hui, je suis convaincue que ça a été ce qui a permis que je repatine un jour. Parce que j'étais dans la gratitude et non pas dans tout ce que je perdais avec le patin. J'avais le focus vraiment sur ce que je pouvais venir gagner de l'autre côté. Donc, 3 mois plus tard, tu étais sur tes... Et pâte, entre guillemets, et, voilà. Tu patinais. Oui. C'est merveilleux. Mais bon, évidemment, on en a parlé dès le début, il y a eu une série de catastrophes, etc. Mais il y a un moment donné, il y a eu des besoins d'aller faire des rencontres, de rencontrer des intervenants, de changer un peu le style de vie. Et il y a eu une rencontre quand même assez déterminante au niveau de la méditation. Oui. Ben, c'est ma marraine. Ta marraine. Dans une fraternité que, on, par respect pour les traditions de ces fraternités-là, je la nommerai pas, mais j'avais une marraine qui m'a dit, Josiane, bon, je vais t'apprendre à faire de la méditation. Puis je me suis dit, mon Dieu, quel courage. Elle, elle s'enligne sur une rechute, là. Je vais la brûler, cette madame-là. Mais... parce que toi, la méditation, c'était pas quelque chose que t'envisageais beaucoup, là. Ben, pour moi, méditer, premièrement, j'avais des jugements par rapport à ça. J'avais une distance, puis je me disais, ah, et ça. Puis j'imaginais tout ce qui est spirituel, pour moi, là, c'était. Zéro. J'avais une espèce de vision un peu de c'est qui ces illuminés là puis tu sais c'est facile hein de juger ou de d'être méfiant mais mais justement ce mal-être là dans lequel je suis allée m'a permis de dire OK si la religion peur d'aller en enfer la spiritualité c'est peut-être pour ceux qui en sortent tu sais puis je me suis revirée vers ça puis j'ai fait non mais l'enfer je la vivais déjà là j'ai pas besoin de la craindre après j'étais dedans ouais c'est ça donc qu'est-ce qu'il y a de mieux ben ils sont peut-être illuminés mais ils ont l'air bien puis heureux fait que finalement j'ai fait un pas vers là et d'apprendre ça de me faire dire écoute, viens, on va essayer de méditer, puis que pour moi, c'était à des années-lumière de ma réalité. Mais ça me coûtait quoi d'essayer? Ça ne me donnait rien de rester dans la situation dans laquelle j'étais, dans le mal-être dans lequel j'étais. Donc, je me suis ouvert un peu à ça, puis je me suis rendu compte que, dans le fond, c'était pas ça que je pensais, là. Ça a pris vraiment un autre sens, une autre couleur. Là, Mais il y a eu quand même une expérience aussi déterminante par rapport à ta grand-mère. Veux-tu en parler? Ben oui. Quand je méditais une fois, j'avais cette impression-là qu'on me serrait la main. Qu'on te serrait la main? Comme si, puis je me disais, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ou tu sais, je voulais pas rentrer dans ma tête puis analyser ça. Fait que j'ai juste dit dans ma tête... grand-papa, ben j'avais perdu mon grand-père, j'ai dit, si c'est toi, je veux voir une image, fais-moi penser à quelque chose qui va être... n'importe quoi, que juste ma grand-mère pourra comprendre. Mm-hmm. Fait comme ça, j'étais sûre de pas rentrer dans ma tête puis de rester dans mon cœur. À partir de là, la seule chose à quoi je suis mise à penser, puis au moment où ça se vit, là, il y a juste de la musique en arrière, puis une petite méditation guidée, là. Fait que j'ai juste à suivre ce qu'on me dit, là. Mm-hmm. Fait que je reste bien centrée. Mais j'ai l'image de des œillets roses, la fleur, là, des œillets rouges, pardon. Oui. Mais je me dis, je chercherai pas à comprendre. Pourquoi? C'est ce que j'ai demandé de pas comprendre. Je finis cette méditation-là. J'appelle ma grand-mère et je lui demande des œillets rouges. Pourquoi? Ça te dit-tu quelque chose? Et ça demande un peu pourquoi. Elle me dit... J'ai dit, ben, j'avais vraiment l'impression qu'on me serrait la main. J'ai demandé si c'était grand-papa de me donner une image. Et ma grand-mère au cas 102, là. Elle m'a pleuré. Elle dit, Josiane, aujourd'hui, on est quelle date? On est aujourd'hui. Avec la date, là, mon sens. On est dans notre moment présent. Donc là, ma grand-mère a dit, Josiane, aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage et mon bouquet, c'était des œillets rouges. On dirait que... Qu'est-ce que ça a fait pour toi? Ça a été là, une décharge électrique. Là. J'ai comme... Je vibrais de gratitude, d'amour, de... C'était tellement doux, mais à la fois tellement puissant. C'est difficile à mettre des mots là-dessus. Et ceux qui me connaissent un tant soit peu savent que si moi, je manque de mots sur quelque chose, on a quelque chose. On a un problème. Oui. Il y a des mots pour tout. Oui, je te connais, c'est vrai. Je confirme. Mais c'est ça. Ça, il n'y a même pas de mots pour décrire comment je me suis sentie. Là, tout ouvrir. Là. Puis ça a été vraiment comme l'élément déclencheur de tout ce qui a pu suivre, au sens où j'ai vraiment accepté de lâcher prise sur mes jugements. On va aller en musique, Josiane. On va écouter Zaz. On ira. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler mon vaisseau sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences. êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. N'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête. Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs. Mélanger de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Voilà, je suis en compagnie de Josiane Ferland, qui est venue de loin pour venir nous rencontrer et nous parler de son livre, entre autres, « Allume ta bougie, bouge », hein, qui va être publié aux éditions Béliveau, Mathieu Mathieu. Alors, écoute, bon, moi, j'ai un petit peu participé à l'écriture de ce livre-là et je sais qu'on a parlé beaucoup, beaucoup et beaucoup du travail de l'ombre et je trouvais ça fort important parce que tu as une façon de l'amener, Josiane, qui est exceptionnelle. Je trouve que tu as une formule, une voix pour aller amener ça dans le monde et c'est merveilleux. Alors, j'aimerais ça peut-être que tu nous dises comment c'est arrivé, travail de l'ombre et qu'est-ce que c'est exactement? En chinois, on dit le shadow work aussi. Okay. Le shadow work. Oui, en chinois. je le dis juste parce que des fois, ça se peut que je bifurque ou que j'échappe à un shadow work dans l'explication. Non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Oui, shadow work, ça veut dire le travail de l'ombre. C'est anglais en passant. Le plus drôle là-dedans, c'est écoute, si vous ne me croyez pas, demandez à ma mère, elle va vous le dire, je ne fais jamais rien comme tout le monde. Je suis toujours à l'envers. Fait que pour moi, le travail de l'ombre, je me dis, il n'y a pas d'ombre sans lumière. On peut-tu travailler avec la lumière à la place? Fait que de là, c'est peut-être parce que je viens de Val-d'Or. Tu sais, à Val-d'Or, il y a beaucoup de mines. C'est un milieu minier. Puis c'est comme dire, on dirait que pour moi, que j'ai entendu ça, le travail de l'ombre, puis que j'ai entamé mon travail de l'ombre, je voyais ça un peu comme ça. C'est plus logique de faire la lumière dans l'ombre, de prendre ce qu'il y a comme pépite d'or puis d'amener ça, que d'essayer de sortir la noirceur du trou. Ça, c'est... Fait, à partir de là, le travail de l'ombre, ça, oui, ça va venir chercher, ben, faire émaner, si on veut, tout ce qui est nos blessures, mm-hmm. Tout ce qui est nos croyances limitantes. On va vraiment faire le tour de tellement de choses dans le travail de l'ombre que, ben, comme je dis, moi, je le prends vraiment à partir de la lumière au sens où ça faut faire le ménage. Mm-hmm. Faut mettre lumière sur ce qui était là avant. Ça, on va aller. Pour pouvoir avancer. C'est ça, on va aller éclairer, on va aller faire la lumière sur ces parts d'ombre-là. Puis, tu sais, c'est. Si jamais j'ai peur de l'eau, parce que. Je sais pas, moi, je me fais croquer une jambe par un requin, ben, j'ai pas besoin de faire croquer l'autre jambe par le requin pour savoir pourquoi que j'ai peur de l'eau. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir peur de l'eau quand je prends mon bain? Ben, je pense pas, non. Je pense que cette partie-là est un peu de trop. Fait que ça donne rien. Fais le ménage. Enlève cette partie-là. Tu sais, c'est ce qui te sert, te sert. Ton ombre, là, elle va toujours être là. Ce que t'as vécu, tu l'as vécu. Ça donne rien de le nier. Ça donne rien de. Tu sais, je dis pas d'être froide à ses blessures. On les reconnaît. Mais des fois, ça prend une propension qui n'est pas utile. Je donne aussi des conférences. Et dans mes conférences, j'ai une image d'un ombre chinoise. Mm-hmm. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire, je peux avoir un écran qui est tout noir, mais si je permets à la lumière d'entrer, je vais encore avoir le dessin, mais c'est sur l'image, c'est un arbre. Mm-hmm. Bon, ben le tronc, les branches, les choses sont là. Mon vécu est là. On le voit tout. On le voit tout, puis je peux pas le nier. Mais en enlevant ce qui me sert plus, t'as pas besoin dans la vie d'avoir raison. Mm. Moi, là, j'ai pardonné. Ça, c'est important qu'on en parle. C'est un des sujets dont je veux parler. La gratitude, bien sûr, mais j'imagine qu'avant, il faut parler du pardon parce que c'est essentiel. Définitivement. Parce que sans ça, c'est difficile d'aller faire notre travail sur l'ombre. Parce que dans ces ombres-là, là, quand je descends là-dedans, ce qu'il y a de... Ben, je peux pas passer à côté de... si j'ai été blessée pour X raisons, j'ai vécu telle situation. On parlait tantôt des agressions que j'ai vécues ou des violences que j'ai subies. Je suis pas d'accord avec les gestes qui ont été posés. Oui, oui, oui. Entendons-nous que jamais je vais dire que c'est quelque chose qui est correct. Mm-hmm. J'approuve pas le geste. Mais pardon, par le don. J'ai pas à vivre cette tempête d'émotions négatives-là. Par le don, je redonne ce qui m'appartient pas. Ces émotions-là, j'ai pas à les vivre. C'est pas à moi de vivre du négatif. J'ai rien fait de mal pour vivre ça. J'ai pas besoin non plus de dire je vais l'haïr, je vais lui souhaiter du mal, juste lâcher prise. J'ai pas besoin qu'il s'excuse. J'ai pas besoin de savoir dans son parcours de vie ce qu'il a pu l'amener, cette personne-là, à poser certains gestes. C'est arrivé. Je le vois. Je vais pas jouer dans le bobo, là, gratter, puis ça me donne absolument rien. Je vais juste accueillir ça. J'ai un bobo, je vais y faire attention. Mais je lâche prise. Mm. Le pardon, c'est dirigé vers soi-même. C'est pas dirigé vers l'autre. C'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. C'est un cadeau qu'on se fait à soi. Tellement. Mais quelqu'un qui dit, oui, bon, j'écoute Josiane Ferland, c'est extraordinaire ce qu'elle dit, mais en même temps, j'ai vécu un viol, j'ai vécu des choses horribles, des meurtres, des assassinats, enfin, bon, on a juste à lire les journaux le matin, puis on a tout ce qu'il faut, là. Comment une personne peut réagir? Est-ce qu'on doit donner un espace de temps pour apprivoiser ce qui est là, pour laisser tomber la poussière? Avant de pardonner, et si le pardon est possible pour certaines personnes, il y en a qui disent, malgré que c'est pour moi, que le bienfait va venir pour moi, c'est très difficile de le faire. Mais encore là, c'est libre à chacun de pardonner ou non. Mais pour ma part, je vais toute ma vie, je vais me souvenir de ce que cette personne-là m'a fait. On n'oublie pas. On n'oublie pas, je ne vais pas refaire confiance. On s'entend que je ne ferais pas garder mes enfants, mettons. Non. Mais c'est simple. Comme ça, c'est que j'ai jamais eu envie de l'appeler pour lui dire que j'ai pardonné. Je l'ai vraiment pas fait pour lui. J'approuve pas. Je trouve que c'est un geste ignoble et inacceptable. Mm-hmm. Mais ça m'apportait quoi de refuser de pardonner? Est-ce que j'étais plus heureuse de me donner raison à chaque jour, de l'haïr encore? Oui, oui, oui. Je buvais du poison complètement et j'attendais que l'autre soit malade. Mm-hmm. Que je lui pardonne ou que je lui en veuille dans la vie de l'autre, ça change rien. Mm-hmm. L'autre vit sa vie bien indépendamment de ce que moi je ressens envers cette personne-là. Oui, c'est ça. La seule personne que ça pénalise, c'est moi, parce que je nourris du ressentiment, parce que je nourris une hargne, une colère, et c'est moi qui vibre ça. Et on vit dans le passé, on est toujours dans cette expérience-là. Elle nous suit, puis elle nous poursuit. Puis on est à la radio, c'est comme une fréquence radio. Émetteur, récepteur. Si en ce moment, vous étiez au... peu importe quel canal, 102.7, vous 91,3. Vous manqueriez une mosuse de bonne émission. Oui, oui, oui, oui. Vous avez raison. Il a fallu sintoniser le bon poste pour être en train de nous écouter en ce moment puis de recevoir ce qu'on est en train de partager. Mm-hmm. Oui. Mais c'est la même chose avec le bonheur. Il faut se mettre au bon poste. Si toute ta vie, tu restes la victime de la situation. J'en suis encore une. J'ai encore vécu ce que j'ai vécu. Comme je disais tantôt, si je prends un ombre chinoise, le dessin est encore là. Mm-hmm. Mais j'ai accepté de lâcher prise sur tout le reste autour qui ne m'apportait rien de plus. Ça me faisait que vibrer des vibrations beaucoup plus basses qui, émetteur-récepteur, faisant en sorte que c'est ce que je recevais en retour encore. Et je pense pas que je méritais ça, moi, parce que j'ai été la victime de cette personne-là. Mm-hmm. Les gens qui vous connaissent, qui vous ont connu surtout avant, dans cette période plus noire, hein, on parle de l'ombre, comment ils vous perçoivent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même encore des liens d'établis ou si on se dit, ben voyons, Josiane, c'est plus la même personne? C'est partagé. C'est partagé. Dans quel sens? Dans le sens où certaines personnes se nourrissent de ça, de garder l'ancienne image. Hein, ça les conforte. Ça les conforte de penser que, ouais, là, elle dit ça, mais peut-être. Ouais, mais aujourd'hui, ici, maintenant, c'est pas tout le monde qui a cette notion-là. Là. Mm. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont, ouais, mais dans le temps, elle a fait ça. Puis dans le temps, je le nie pas, mon passé. Non. Je suis passée par plein de choses dont. Aujourd'hui, est-ce que je suis fière? Est-ce que je suis pas fière? Est-ce que je le referais? Est-ce que... je pense que oui, je repasserais tout ça parce que ça mène. Sans... Si j'enlève une seule de ces journées-là, je serais pas la même aujourd'hui. Non. Fait que... C'est l'expérience. Mais le regard que l'autre porte sur moi ne m'appartient pas. J'étais longtemps à y accrocher beaucoup d'importance. Pour vrai, là, c'était comme... Je me justifiais sans cesse de mes anciens comportements. J'étais prête à tout pour les convaincre de la nouvelle version de ce que j'étais. D'accorder une importance à ce que l'autre pense de toi ou le regard des autres, c'est attacher un boulet à sa cheville puis mettre le cadenas. Là. C'est lourd à porter. C'est lourd à défaire après. Hein? Mm-hmm. Ouais. Ça prend beaucoup de pardon, beaucoup de retour sur soi d'intériorité puis peut-être des intervenants pour certaines personnes. Mm. Ouais. On va aller en musique. On va aller écouter Embarque ma belle. Okay. Quelque part au bout du monde, on aura que les louanges. Je vais jamais t'entendre dire jamais. Ma vieille bourse m'appelle, viens donc faire un tour. On va parler fou, on va faire l'amour. Puis je te jure qu'on va vivre mieux. Ah ouais, embarque ma belle, je t'emmène n'importe où. On va bûcher du bois, je l'ai avec les loups. Je veux jamais t'entendre dire jamais. Ma vieille pose m'appelle, viens on va faire un tour. On va faire les fous, on va faire l'amour. Puis je te jure qu'on va vivre hier. Alors, de retour avec la belle Josiane Ferland, qui a écrit un livre magnifique à se procurer, bon, Dieu sait quand, parce que, bon, on connaît très bien l'éditeur, j'arrête pas de dire Mathieu, mais c'est l'éditeur des éditions Béliveau. Et bon, il y a un oui qui a été prononcé, donc, ou presque. Et je connais Mathieu, c'est oui. Alors, ça s'appelle « Allume ta bougie, bouge ». Pourquoi « Allume ta bougie et bouge » Pourquoi pas? C'est justement ce que vous disiez tantôt, d'allumer pour voir les noirceurs et avancer un peu plus, c'est ça? Ben c'est ça. C'est, je pense que dans le fond, on est tous un peu une bougie de ce soleil-là, de cette lumière-là. Chacun d'entre nous a cette capacité-là. Ben, j'ai aussi, je parlais des conférences, mais j'ai aussi un podcast. Oui, parle-en, parce que c'est intéressant. Qui s'appelle « Les dames d'abord », mais... Les dames d'abord, oui. Donc âme. Le mot âme, oui. Parce que à la base, je pense que s'il y a une chose et une seule chose qui est juste et égale pour tout le monde sur cette terre, c'est bien ça d'avoir un âme. Il n'y a pas différents modèles. Tu peux pas en avoir un bien... excentrique. Ben, tu sais, ben, c'est ça. Puis tu peux pas en avoir un en or parce que t'es bien riche, puis un en carton parce que t'es pauvre. Tu sais, que tu sois blanc, que tu sois. Peu importe ton ethnicité, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe de. Écoute, on les nommera pas toutes. Je pense qu'on comprend le concept. On en a toutes la même, toutes faites avec la même chose qu'on peut pas nécessairement identifier, mais c'est tout le monde égal. On a tous les mêmes atomes. Exactement. Protons, neutrons, etc. On est des poussières d'étoiles. Et voilà. Voilà. Écoute, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que, dans le fond, le livre s'appelle un peu comme ça, parce que, justement, cette lumière-là, moi, j'aime ça l'avoir comme une petite bougie du même soleil, si on veut. Ouais. Fait que je pense que ça concernait tout le monde à partir de là. Ce qui est intéressant, c'est le sous-titre « Bougie », on enlève le « i », ça fait « bouge ». Donc, « bouge », va vers ta lumière en quelque part. Oui, parce que c'est ça, il faut l'expliquer quand on ne l'a pas décrit, hein, mais le « i », il vire de bord, il devient le point d'exclamation de « bouge ». Exactement, c'est super. On parlait du travail de l'ombre, on parlait des catastrophes, du travail de l'ombre, du pardon. Mais moi, je suis très fascinée, parce que je lis énormément sur la gratitude et j'en entends parler de tout bord, tout côté, mais j'aimerais ça entendre aussi comment toi, tu vois ça, la gratitude, parce que ça a été aussi quelque chose de très important dans ton cheminement, parce que le pardon, c'est une chose, mais en même temps, on peut aussi remercier certains événements qui, d'abord, nous paraissent épouvantables, mais qui, dans le temps, et on le voit avec toi, nous ont permis de faire des bons et peut-être même de changer complètement notre vie. Alors, pour toi, la gratitude, c'est arrivé comment? Bien, on parlait un peu de mon passé de consommation, de ben c'est ça. Moi, j'ai changé complètement ma vie à mode pour un mode de vie. Et la définition de tout ça, en un mot, j'irais avec la gratitude. Parce que dans ma vie à mode, tout était négatif et une raison de me plaindre. Alors que dans ce nouveau mode de vie-là, la gratitude est le moteur d'absolument tout ce que je fais. Mm-hmm. C'est qu'il y a tellement de raisons. Qu'est-ce que la gratitude? On peut-être commencer de par... C'est remercier. À ce qui est. Exactement. Mm-hmm. Et comme je dis, il y a tellement de raisons de dire merci autour de nous, mais des fois, on dirait qu'on ne veut pas le voir, même on prend tout pour acquis. Mm-hmm. Mais quand j'ai entamé cette démarche-là de nourrir une gratitude-attitude, j'étais fatigante, là. Fatiguée, fatigante. Ah, je me levais le matin, là, puis je me disais, oh, merci, j'ai un matelas. Ben, ça a l'air de rien, mais la personne qui en a pas, là, elle aimerait ton matelas. Mm-hmm. Elle aimerait ta couverture, ça a froid. Ouais. Là, je me levais de mon lit, puis je me disais, hey, merci, j'ai la lumière pour avancer. Oh, wow, j'ai de l'eau potable pour boire. Tu sais, c'est fatigant, là, comme pour quelqu'un qui est autour, puis qui se dit, hey, sérieux, laisse-moi donc m'auto-saboter, tu sais. Non, mais... À quel point c'est pas donné à tout le monde de se lever puis d'aller ouvrir les vieux, servir un verre d'eau. Mm-hmm. Mais est-ce que cette façon de réagir, là, de toujours dire merci, est-ce que ça s'est empiré avec le temps? Mais j'y tenais. J'ai fait un 21 jours vraiment intense parce qu'on dit que ça prend 21 jours pour créer une habitude. Ouais, ouais, ouais. Donc je l'ai fait, là, mais moi, j'en parlais de mon intensité tantôt. Ben, j'ai su intense. Fait que. Si je décide d'être intense dans quelque chose, là, c'est... Donc, pendant 21 jours, à tout ce qui se vivait, se voyait, se touchait, se sentait, tu disais merci. Exactement. Ouais. Et après ça, j'ai un peu lâché le gaz. Je me suis donné le droit de me plaindre un peu. Mais quand même, ça a vraiment fait son effet au sens où, écoute, une période de ma vie où il est arrivé certains événements et j'ai eu une semaine où je vivais dans mon char. Ouais, il y a eu des moments durs. Tu sais, puis, malgré tout ça, j'ai ben, notre ami commun, Marcel Leboeuf, qu'on salue. Ben oui, qui travaille, ben, travaille ici à Radio VM. Ben oui, ouais, puis lui, il était fasciné, puis il disait, je peux pas croire que tu restes positive là-dedans, parce que je lui ai dit, il dit, voyons, Josiane, tu peux pas rester vivre dans le char de même, ça fait pas de bon sens. J'ai dit, Marcel, moi là, au nombre de fois dans ma consommation où j'aurais pu perdre mon permis ou tuer quelqu'un, là, que j'aie un permis, c'est une bénédiction. Que j'aie une voiture, ça n'en est un autre. Parce que tu pouvais coucher en quelque part? Que j'aie les moyens de mettre du gaz dedans. Que j'aie le chauffage si j'ai froid. Que j'aie l'air clim si j'ai chaud. Hey, je suis pas sur un banc de parc. Et encore, être sur un banc de parc, là, en Abitibi, les probabilités qu'une veuve noire ou un serpent sonnette t'attaque est assez mince, on s'entend. Fait, oui, mais le froid peut te tuer, par exemple. C'était l'été. Ah, c'est l'été, OK, d'accord. Fait que je me disais, j'ai aucune raison de me concentrer sur le fait qu'en ce moment, je suis dans l'auto. Mm-hmm. J'ai mille et une raisons de me dire que cette situation-là, qui peut sembler avoir pas de bon sens, est temporaire. Mm-hmm. Et... j'ai vraiment rien à me plaindre. Ça pourrait vraiment être pire, là. Mm-hmm. Puis c'est là qu'il m'a dit, mais mon Dieu que t'es tout le temps positive. Je dis, puis c'est rien, Marcel, en ce moment, là. On est dans une pandémie. Fait que toutes les maisons que je croise ont des arcs-en-ciel dans les fenêtres, puis ils me disent que ça va bien aller. T'essaieras de battre ça, là. Fait que il est parti à rire, puis à partir de là, il m'a dit, Josiane, ça n'a pas de bon sens. Puis à ce moment-là, j'avais quoi, une vingtaine d'années, là. J'étais dans la fin vingtaine, mettons. Mm-hmm. Et il m'a dit, ça n'a pas de bon sens que tu penses comme ça, à l'âge que t'as. Avec le vécu que t'as, puis que tu fasses rien avec ça. Ah, voilà. J'ai dit, ben, qu'est-ce que je fasse? Il dit, tu devrais écrire un livre. J'ai dit, Marcel, je fais des fautes d'orthographe en parlant dans la vie, là. Mais de fil en aiguille, il m'a présenté des personnes exceptionnelles. Pourquoi tu ris? Oui, d'accord, ah, je ris pour rien, moi. J'aime ça rire, qu'est-ce que tu veux? Ah, ben oui. Et c'est ainsi que j'ai entamé une collaboration avec Marie-Lou Brousseau. Puis, regarde, on est là aujourd'hui à en parler. Fait, exact. Cette gratitude-là peut t'amener à des endroits incroyables. Puis ce qui est intéressant, c'est que Marcel Leboeuf, notre ami, va écrire la préface. Il n'a pas eu trop le choix. Là, non, il a tordu deux bras. Ben oui, hey, c'est quel... je sais pas si je peux dire quelle chance. Parce oui, que dans ben le fond, oui. C'est pas de la chance au sens où je l'ai créé, cette réalité-là. Puis j'ai tellement, encore une fois, de gratitude pour ça. Parce que, tu sais, j'ai pas gagné cette amitié-là à 6,49, mais j'ai fait les bons choix au bon moment. Parce que quand on vibre de gratitude, la vie nous les apporte. Mm-hmm. Et quand on est dans la pleine conscience, quand on est dans son moment présent, on sait saisir ces opportunités-là. Mm-hmm. Fait que je me donne au moins le mérite d'avoir su saisir ça. Tu l'as rencontré comment? En m'impliquant dans une cause qui me tenait vraiment à cœur. Mm-hmm. Puis c'est ça. J'ai osé, j'ai pris la décision d'oser, d'avoir l'audace de mes ambitions. Puis ça m'amenait à le contacter. Puis Marcel étant Marcel, pour ceux et celles qui le connaissent, savent comment cet homme-là a un cœur grand immense. Comme l'univers. Là. Ouais. Ouais. Alors, il a accepté, évidemment. Évidemment. Mais il n'y avait pas le choix aussi. Non, à ce moment-là, j'étais trop gênée pour y imposer. Elle est bonne. Écoute, bon, alors moi, je trouve ça super intéressant. Alors, j'ai bien, bien hâte de voir ce livre-là. J'aimerais ça qu'on revienne à la gratitude, parce que je trouve que c'est un thème qui est tellement... Tu veux dire quelque chose? C'est un thème qui est tellement, tellement important. Puis, je voulais savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'à partir du moment où on devient plein de gratitude, de remerciement, de merci de tout ce que tu veux envers la vie, fait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre autour de nous et que on en parle, des occasions surviennent, des opportunités, etc. C'est quoi le mécanisme de la gratitude? J'aurais pas la prétention de dire que je comprends le mécanisme derrière, mais c'est un peu comme je disais tantôt, la gratitude, l'attitude, c'est le même principe que la radio que je parlais tantôt, émetteur-récepteur. Ouais. C'est que ceux qui sont curieux pourraient aller vérifier l'expérience de Emoto. Ah, de Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais. Ceux qui sont curieux, ça vaut la peine de regarder la puissance que notre intention a sur la matière autour. Ceux et celles qui connaissent Christian Page, qui est l'expert en paranormal là, depuis 45 ans et plus ici au Québec et partout... Il y a beaucoup de places où on peut avoir accès à... Quand il parle du fantôme Philippe... Qu'est-ce que c'est? C'est à un certain moment donné, une équipe de chercheurs se sont assis sur une grande période. On fait des tests par rapport à ce qu'on peut avoir comme impact sur la matière. Ils ont créé de toutes pièces un fantôme. Ah. De A à Z. Ils ont inventé un nom, et ils ont vraiment pris la peine de vérifier. Il n'y a jamais eu de, mettons, Philippe, telle affaire, dans cette ville-là, à cet endroit-là. Il s'est vraiment inventé de toutes pièces et rien ne pouvait interférer. Et à une certaine époque, il y avait, dans la culture, c'était bien connu, ils faisaient des séances de spiritisme. Mm-hmm. Puis ils se sont dit, on va regarder qu'est-ce qui a pu venir influer... Moi, ouais, c'est ça, avoir une influence en fait sur ça pour essayer de discréditer un peu ça, jusqu'au moment où, puis c'est pas des gens qui sortent de nulle part. C'était vraiment l'élite. Tu sais, il y a un groupe là, qui ont toutes 140 de QI en montant, etc. Mm-hmm. C'est de conscience intellectuelle. Oui, oui. Mm-hmm. C'est tous des gens qui font partie de ça. Là. C'est des chercheurs, vraiment, ça a été bien documenté. Mm-hmm. Jusqu'au jour où ils ont dit, il y a certaines choses qui ne marchent pas, mais c'est parce qu'ils faisaient ça un peu comme Ouija, là, tu sais, là, les lumières baissées, jusqu'à temps de se dire, dans ce temps-là, les séances de spiritisme, c'était vraiment super convivial. C'était comme, on s'assoit, comme en famille, tu sais, les lumières, mm-hmm. Quand ils ont recréé cette ambiance-là, et il n'y a aucune chance que ce soit truqué. Il y avait des micros partout, des caméras partout. Si on a on a une pensée critique moindrement développée, là, on peut vraiment aller voir toute la documentation scientifique qui va avec ça. Et quand ils ont décidé de recréer ça, l'énergie, la vibration était tellement la bonne qu'au bout de quelques temps, il y a eu des manifestations au point où, à la fin, la table bouge toute seule. Là. Mm. Et comme je dis, c'est impossible que ce soit une fraude, dans le sens... Faudrait vraiment aller comme loin là-dedans pour l'expliquer, mais tout ça pour dire que ça l'a vraiment montré qu'il y a une influence sur la matière. Il y a des tests de toutes les sortes qui le prouvent. OK, je cherchais à voir le lien avec la gratitude, là. Et la gratitude, c'est ça, parce que c'est l'impact qu'on a sur la matière. Sur tout ce qui nous entoure, sur notre réalité qu'on se crée. Parce qu'on n'est pas, des victimes de nos vies, là, on est des créateurs de notre propre vie. Parce qu'on a un impact sur tout. Tout est énergie, hein? Fait que c'est comme je disais, la radio, si t'es pas sur le bon pas, c'est sûr, il va arriver plein d'autres choses. C'est pas moi qui ai inventé l'expression « un malheur n'arrive jamais seul ». Ou « un bonheur n'arrive jamais seul ». Mais c'est ça, c'est... Plus t'es dans la gratitude, plus tu dégages cette vibration-là, puis plus t'as un impact autour de toi sur tout ce qui t'entoure. Mm-hmm. Ça peut pas ne pas changer ta vie. Bon, on va écouter la bottine souriante, le zigzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigzon zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigzon zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigzon zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi. Puis la bottine, zin, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon, zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon, zinzon. Paris, cité lui porte, trois cavaliers barons, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, tin, tin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Sans pas de clé, tourouillé, tourouillé. Sans pas de clé, tourouillé, gaiement. Paris, si tu lui passes, trois cavaliers barons, la zigazon, zinzon. Paris, si tu lui passes, trois cavaliers barons, la zigazon, zinzon. Que me donneriez-vous belle si je vous tirais du fond, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, zin, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clé, tourouillé, tourouillé. Son petit porte-clé, tourouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tourouillé, tourouillé. Son petit porte-clé, tourouillé, gaiement. Que me donneriez-vous belle si je vous tirais du fond, la zigazon, zinzon. Que me donneriez-vous belle si je vous tirais du fond, la zigazon, zinzon. Tirez, tirez, dit-elle, après ça nous verrons, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, zin, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Tirez, tirez, dit-elle, après ça nous verrons, la zigazon, zinzon. Tirez, tirez, dit-elle, après ça nous verrons, la zigazon, zinzon. Quand la belle fuit à terre, je sauve à la maison, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, fille la bottine, zin, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Quand la belle fuit à terre, se sauve à la maison, la zigazon, zinzon. Quand la belle fuit à terre, se sauve à la maison, la zigazon, zinzon. S'assoit à la fenêtre, compose une chanson, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, zin, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. S'assoit à la fenêtre, compose une chanson, la zigazon, zinzon. S'assoit à la fenêtre, compose une chanson, la zigazon, zinzon. Mon petit cœur en garde n'est pas pour un baron, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, zin, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Mon petit cœur en gave n'est pas pour un baron, la zigazon, zinzon. Mon petit cœur en gave n'est pas pour un baron, la zigazon, zinzon. Mais pour un homme de guerre qui a du poil au menton, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, tin, tin, rigolet, ha, ha. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Puis son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Ah là là là, le petit porte-clé, mais je pense que ce que nous offre Josiane Ferland, mon invitée d'aujourd'hui, c'est un gros trousseau de clés avec plein de possibles. On peut aller, on peut ouvrir énormément de portes. Il nous reste à peine 5 minutes. J'aimerais ça peut-être savoir quels sont tes projets immédiats, tes projets futurs. S'il y en a beaucoup, je le sais. Il y en a tellement! Mais en fait... C'est un peu tout le même projet qui a beaucoup de branches. Oui, oui, en ce moment, j'ai à partir du livre, y a le podcast qui me permet d'aller vraiment en profondeur, aborder tellement tout plein de sujets qui sont touchés de près ou de loin dans le livre. Qui donc, touche la croissance personnelle, évidemment, tout exactement. Le temps. Ouais. Puis, tu sais, il y a tellement... Un livre, écoutez, on peut pas tout écrire, on dirait... Fait que ça me permet cet échange-là avec des gens tellement inspirants. Je, là, ma brochette d'invités est incroyable. Par exemple? Ben, j'ai Patrice Cocro, j'ai Marcel Leboeuf. Normand j'ai D'Amour. Normand D'Amour, j'ai Christian Page. C'est, écoute, c'était mm-hmm. tellement large. Là. J'ai, prochainement, là, je vais avoir... par exemple, Sylvain Larocque, avec qui on va parler. Fait que, tu sais, des fois, on connaît nos artistes au Québec, mais on les connaît pas sur toutes les facettes. On les connaît professionnellement, mm-hmm. mais étant donné que le podcast, c'est les dames d'abord, je me permets vraiment d'avoir un contact avec l'humain derrière. Mm-hmm. Ces façons de voir les choses, puis c'est tellement fascinant. J'ai les conférences, évidemment, que je donne... De plus en plus ces temps-ci, on va avoir la chance, je vous invite à venir au Salon de l'éveil, le prochain est à Boucherville, au mois de mars. Ensuite, il y a Québec, il y aura Laval aussi au mois d'août. On peut te joindre, juste une petite parenthèse, on peut te joindre sur Facebook, Josiane Ferland. Il y a josianeferland.com. Josiane avec deux N. Mm-hmm. Et c'est ça, fait que j'ai une présence, dans le fond, je donne ma conférence dans le cadre du Salon de l'éveil qui... Super aussi. J'ai le programme de développement personnel qui va être disponible bientôt. Et il y aura aussi les séminaires. Les séminaires? Oui, on va avoir des belles petites fins de semaine, tout inclus, où ce qu'on se fait du bien, où ce qu'on reconnecte avec notre âme et où ce qu'on va aller se donner la permission de déballer ce cadeau-là et de sortir de la boîte. T'attendais-tu à ça, toi, à ce grand déploiement de Josiane Ferland dans cette vie-ci? On me l'aurait dit que je l'aurais même pas cru. Et là, plus je suis, plus je peux être davantage et plus... Marie-Lou, en toute honnêteté, j'ai pas assez de la journée pour être heureuse. Ça me réveille la nuit. C'est vrai, je suis tellement comme excitée. Des fois, je me réveille dans... Je dis, ben, je peux pas croire que je manque de temps pour être heureuse dans la journée. Faut que je me lève la nuit pour aimer ma vie. C'est merveilleux. C'est là. Tellement beau, là. Ouais. Et encore une fois, rempli de gratitude. C'est merveilleux. Ben, écoute, je souhaite longue vie à ton livre, d'abord un. Longue vie à toi, longue vie à tes projets. Et je te remercie infiniment d'être venue nous en parler aujourd'hui. C'est vraiment, namasté, un plaisir. Ben, merci de m'avoir invitée. Oui. Alors, je dis aussi un gros merci à Valérian Fournier. C'était Marie-Lou Brousseau. Je vous dis à la semaine prochaine. Valérian Fournier étant à la régie, il faut que je l'ajoute. Merci beaucoup. À bientôt. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Imaginez un monde où personne n'est laissé pour compte. Un monde de solidarité et d'inclusion. C'était le rêve du cardinal Léger il y a plus de 75 ans. Et aujourd'hui, c'est notre vision chez Mission Inclusion. Avec votre soutien, nous changeons la vie des enfants, des femmes et des communautés vulnérables ici au Québec et partout dans le monde. Chaque geste nous permet de bâtir un avenir où chacun a sa place. Un monde où tout est inclusion. Votre aide fait une vraie différence. Textez le mot « mission » au 202-22 pour faire un don ou visitez le missioninclusion.ca pour découvrir votre impact. Suite au succès du premier CD « Chant liturgique à la chapelle Notre-Dame de Lourdes », voici un deuxième album comprenant uniquement des chants dédiés à la Vierge Marie, interprété par Joël Gauthier, accompagné à l'orgue par Laurent Martin. Salut Marie, comblée. Sa voix chaude et réconfortante vous portera dans vos réflexions et vos prières. Toi, Notre-Dame, nous. Procurez-vous dès maintenant ce disque, Toi, Notre-Dame, en vente chez Mediapol, les librairies Pauline, Bertrand Fouché-Bélanger, ainsi qu'à la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Montréal ou par téléphone au 514-272-0719. Chaque jour, nous vous invitons à écouter Radio VM sur la bande FM. Mais sachez que vous pouvez aussi nous écouter de n'importe où dans le monde, via Internet au radiovm.com. Radio VM. Au cœur de l'essentiel. De l'intime des mystiques avec Donna Gagnon. Bonjour aux auditeurs. Bonjour aussi à mon invité du jour, je dirais mon associé du jour, Régent Boivin. Vous avez déjà participé, M. Boivin, à quelques émissions dans la série « Les doutes des croyants ». Sans doute, il y aura quelques auditeurs qui vont vous reconnaître. Alors, je vous salue. Bonjour, M. Bonjour, Boivin. Bonjour, ça me fait plaisir, merci. Je suis content d'être là. Puis je vais continuer un peu à vous présenter, puisque vous avez fait des études de philosophie, vous avez fait même un doctorat en philosophie sur l'œuvre de Paul Tillich. Aujourd'hui, justement, il va être question de Paul Tillich, qui est un genre de personne qui a vu l'urgence de réformer le langage de la théologie. Oui, effectivement. Et ce sera en compagnie de Jean Richard, qui a publié en septembre 2022 un livre qui s'intitule « Paul Tillich, au-delà du naturalisme et du supranaturalisme ». Aux presses de l'Université Laval. C'est aux presses de l'Université Laval que c'est publié, et de même que votre livre que vous avez publié en mai 2022, oui, « Désarroi devant la mort, l'épreuve de la finitude à la lumière de l'anthropologie philosophique de Paul Tillich ». Donc, on reste dans le mental de penseur et d'intérêt. Dans le cas, il y a un intérêt pour la mort, mais l'autre, il y a un intérêt pour la vie, dans le sens de toujours redonner des souffles nouveaux à la théologie, qui là, finalement devrait être, fait partie des intérêts les plus fondamentaux, finalement. Oui, là, ce qui nous intéresse, finalement, ultimement. Alors, je vais, pour nous donner le goût d'entendre cet auteur, au point de départ de cet ouvrage, deux convictions de ma part. Je suis d'abord persuadé qu'une profonde réinterprétation de la pensée religieuse s'impose actuellement. Et je suis tout aussi persuadé que le théologien-philosophe Paul Tillich a ouvert la voie en ce sens. Ce sont vraiment les deux convictions de départ de Jean Richard, hein, quand il... D'ailleurs, ce sont les premières lignes de son ouvrage que vous venez de lire. Jean Richard, qui a passé sa vie, sa carrière académique, à travailler sur Paul Tillich à l'Université Laval, nous livre finalement cette année, l'année passée, ce petit livre, un peu comme un testament spirituel, mais pour bien présenter l'œuvre de Paul Tillich, qui semble très pertinente pour aujourd'hui. Et puis, il y a deux convictions que vous venez de lire en amont de cette réflexion. C'est l'urgence d'une réinterprétation de la pensée religieuse aujourd'hui, pour notre temps, particulièrement au Québec. Alors, Jean Rissard nous parle d'une urgence, et je pense qu'il n'y a pas tard. Et Paul Tillich serait un théologien très intéressant pour repenser le discours théologique aujourd'hui, pour revoir la pertinence de la religion aujourd'hui, plutôt que de toujours évacuer du revers de la main. Oui, puis peut-être aussi, des fois, il y a des choses qui commencent à mal tourner. On dit que la religion, ça baisse, hein, mais il y a peut-être des raisons, des causes. Et questionner ces causes-là, puis bon, arriver à trouver des... Mais Paul Tillich, je dirais, la religion, ça baisse, mais de quelle religion il s'agit justement ici, là? Est-ce que c'est vraiment la dimension religieuse dans toute sa profondeur qui baisse ou c'est pas plutôt les bondieuseries qui baissent, peut-être? Je l'exprime comme ça. Mais Jean-Richard, si vous continuez, là, il va parler du noyau dur. Le noyau dur de la religion ou de la foi, il faut le rendre signifiant pour notre monde aujourd'hui. Mmh. Alors, c'est ce noyau dur-là, en fait, ce qui semble être le plus fondamental de la dimension religieuse, de la religion. Comment sauver le noyau dur? Comment le rendre signifiant, pertinent pour le monde aujourd'hui? Hein? Je pense que c'est ça. Puis là, on pourrait parler du noyau dur, mais effectivement, le noyau dur, c'est ce qui est au cœur de la religion. C'est le noyau dur, oui. Le noyau dur, ça serait le langage. Oui, le langage symbolique, etc. Mais le noyau dur, c'est peut-être le bébé aussi. Quand on dit jeter le bébé avec l'eau du bain, aurait fallu jeter seulement l'eau du bain, pas le bébé. Oui. Le bébé, je pense que c'est là le noyau dur. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. L'enfant qui... Faut pas oublier les paroles de Jésus sur l'importance de l'enfance, de l'enfant. Oui, oui. Peut-être une attention. C'est pas pour rien qu'il dit ça. L'enfant qui s'éveille. L'éveil de l'enfant. Quand vous parlez de l'éveil de l'enfant, moi, ça évoque l'émerveillement. L'émerveillement. L'étonnement, l'émerveillement. Et là, on commence déjà, si on parlerait en tillichien, on parlerait de l'étonnement, l'émerveillement, quelque chose qui vient nous saisir. Oui. Et quelque chose qui vient nous préoccuper. Mm-hmm. On est sur une piste tranquillement qui va nous conduire. Oui, des fois, quand un enfant il est dans le parterre, il tombe dans le parterre, puis oui, il y a des fleurs qui poussent du jour au lendemain, il y a des fleurs sont apparues. Il vient une expérience d'émerveillement. Oui. On a l'impression qu'il déjà il est en train de s'éveiller à la dimension contemplative. Exactement. Oui, c'est vrai. Oui. L'étonnement. Je pense que peut-être que Tillich nous invite à l'étonnement religieux. Dans le sens, c'est un étonnement philosophique, mais dans sa dimension existentielle, profonde. C'est sûr que l'œuvre de Tillich est une œuvre qui nous invite à l'émerveillement, à l'étonnement, au questionnement et au sens de la vie. Ça, c'est sûr. Évidemment que le noyau dur, pour le rendre plus signifiant, Tillich, globalement, c'est ce que Jean-Richard veut nous montrer, Tillich nous invite à dépasser ce qu'il appelle le supranaturalisme, mais à aller plus loin aussi que le naturalisme immanent. Donc, c'est la pensée de Tillich qui nous invite à dépasser le supranaturalisme, mais à aller plus loin que le naturalisme qui semble insuffisant. Et c'est là que Tillich fait intervenir l'auto-transcendance divine. Donc, Tillich veut dépasser le Dieu supranaturaliste. Il veut dépasser l'espèce de Dieu naturaliste immanent pour nous emmener vers un Dieu qui nous rappellerait plutôt l'auto-transcendance divine, au cœur de l'immanence d'ailleurs.